Johan, si tu devais aussi laisser un message pour les personnes qui ne bégayent pas, quel serait-il? Pour les personnes qui ne bégayent pas, du coup, par rapport aux gens qui bégayent ou qui ont un handicap, s'il vous plaît, faites attention aux réactions que vous avez, que ce soit à l'école, que ce soit au lycée, que ce soit plus tard dans la vie. Moi, il m'est arrivé beaucoup de fois, téléphonant à quelqu'un, de bégayer, d'avoir des gens qui me raccrochent au nez parce qu'ils trouvent ça trop long quand je bégayais beaucoup, ou des gens qui explosent de rire quand ils vous entendent au téléphone. Toutes ces moqueries qu'il y a à l'école et tout ça, essayez d'avoir votre propre personnalité et de ne pas suivre cette fâcheuse habitude, en fait, de se moquer des gens qui peuvent avoir un handicap. Parce que je peux vous assurer que ça peut faire une grande différence dans la vie des gens qui ont ça, si on apprend à aimer tout simplement. Qu'on réalise qu'on est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Donc essayons vraiment de. Ouais, et essayons vraiment de nous aimer les uns les autres, tout simplement, et de pas tomber dans cette mode de se moquer, parce que ça peut faire beaucoup de mal. Et pour les gens qui ont le bégaiement, si on se moque de vous, détachez-vous. Et sachez que vous êtes beaucoup plus que ce qu'on essaye de vous faire croire que vous êtes. Ouais, et bien Voilà. écoute, tu as raison, Johan. Et puis, je crois que souvent aussi, les remarques ou les moqueries viennent aussi souvent de l'ignorance. Et je pense que c'est là aussi, quand même, des intérêts que tu sois là, médiatisé. C'est que si ça peut permettre aussi que les gens sachent un peu mieux. Ce qu'est le bégaiement, et donc et un œil un peu plus éduqué et un peu plus complaisant, bah je crois Bienveillant que plutôt. pardon, et bienveillant, tu as raison, bah je crois que ce sera aussi vraiment l'un des effets très très bénéfiques aussi de Bah, vraiment, merci ton moi pour ce apparition. message par rapport aux gens qui n'ont pas ça. Essayez vraiment de vous mettre à la place des gens et de savoir que vos moqueries, si vous en avez fait, ou si vous avez envie d'en faire et que vous trouvez ça fun et drôle, sachez que ça peut avoir des effets psychologiques sur la personnalité d'une personne pendant des années, surtout quand c'est fait à répétition. Donc vraiment, essayez d'être bienveillant et de faire comme si c'était votre petit frère, votre propre mère ou votre propre père. Bah, vous n'aimeriez pas que cette personne se sente rejetée, en fait. Voilà. Voilà. Ne riez pas contre nous, mais avec nous. Exactement, on est tous frères et sœurs d'une même famille, de l'humanité, donc on est là pour s'apporter mutuellement et non pas pour se mettre des bâtons dans les roues. Ça, je pense qu'au-delà de tout message religieux, c'est un message complètement universel qui est tout à fait logique si on veut que notre humanité s'améliore. Je pense qu'on rêve tous d'un monde meilleur, donc soyons tous les agents de ce monde. Voilà. Merci, Johan. Johan, pour terminer, quel message est-ce que tu souhaiterais transmettre aux personnes qui bégayent, qui nous écoutent, qui peut-être qui ont pas trop le moral, qui peuvent être un peu découragées, qui ont l'impression de pas avancer, qui ont l'impression que chaque fois qu'elles croient que le bégaiement part, en fait il revient, qui ont l'impression qu'il va leur pourrir la vie, etc. Toi, voilà, quel message est-ce que tu souhaiterais leur faire passer? Que je leur dirais, c'est vous êtes bien plus que votre bégaiement. Vous êtes bien plus que votre bégaiement. Vous avez vraiment cette lumière à l'intérieur de vous. Croyez en cette lumière, développez-la et sachez que la paix, c'est la solution à tous les problèmes. Et que si on s'apaise et qu'on croit en soi, qu'on croit en cette force qui est en nous de positivité. C'est incroyable les effets que ça peut avoir. Je pourrais en parler pour le bégaiement, mais pour plein d'autres choses. J'ai eu la joie dans ma vie de voir beaucoup de choses, beaucoup de miracles, même de guérison de maladies, pas par des chemins de médecine occidentale, des choses comme ça. Et je peux vous assurer que la force de cette paix qui est en nous, c'est ça la chose, c'est ça qu'il y a de plus précieux en fait. Et donc, c'est ce que je vous encourage en fait à développer, trouver votre chemin pour vous apaiser, aller dans la nature, respirer, essayer de vous rapprocher de vous. Moi, c'est le seul conseil que je donnerais. Et après ça, si vous faites ça, vous saurez quel est le chemin à suivre vraiment en Asie. Voilà. Mais vous êtes bien plus que votre bégaiement, ça sera ma phrase phare, parce que c'est vrai. Eh bien, écoute, Johan, je veux rien rajouter derrière ça. Je trouve que c'est une belle conclusion. C'est vrai que le blog aussi, Goodbye Bégaiement, l'un des objectifs, justement, c'est l'optimisme. Donc là, je trouve que c'est une super conclusion et je suis ravi. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'on va te suivre tous maintenant avec encore plus d'attention. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va pas te suivre parce que tu es une personne qui bégaye, mais parce que tu es une personne qui gagne vraiment à être connue, Johan. Jamais eu l'occasion de le faire aussi dans les détails publiquement, et c'est une grande joie pour moi de pouvoir partager mon expérience humblement, vraiment. Merci Yohann. Avec plaisir.